20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. L'histoire de l'humanité peut-elle se résumer au travers de la lente complexification des sociétés qui, dans un processus strictement linéaire, les verrait passer de clans, chefferies, chefferies complexes, à cité-état, enfin état. Entre simples ou complexes, nous choisirons ce soir les sociétés complexes, puisque le musée du Quai Branly vient d'organiser un colloque autour de l'archéologie et de la matérialité, du pouvoir avant les empires. Les cités-états swahili, les Celtes du premier millénaire avant notre ère, ou la Chine ancienne en font bien entendu partie. Nous leur préférerons les sociétés mésoaméricaines, celles des Aztèques, Tarasques et Mayas. Pour en parler, deux incontournables spécialistes, Marie-Charlotte Arnaud, Dominique Michelet, bonsoir. Bonsoir. Tous deux directeurs de recherche au CNRS, vous êtes aussi mayanistes. Avant d'évoquer les sociétés de cette partie du monde, j'aimerais savoir ce qui est pour vous une évidence. Mais qu'est-ce que la Mésoamérique, Dominique Michelet ? C'est un concept qui a été forgé dans les années 40 pour désigner une zone culturelle qui n'a rien à voir avec les frontières politiques actuelles, évidemment, et qui couvre plusieurs pays. Donc, on a institué ce mot de Mésoamérique pour désigner une partie du monde où une certaine unité culturelle s'était forgée, s'était développée, et avait eu toute une série de développements, donc, avant la conquête espagnole, en gros de 1000, 1500, même aujourd'hui, on remonte à 1500, avant Jésus-Christ, jusque donc au XVIe siècle. Et dans ce secteur-là, on a énormément de populations différentes, mais ces populations, à partir d'un certain moment, ont interchangé entre elles énormément d'éléments, ont créé des références communes et se sont retrouvées finalement sur des trajectoires qui sont assez parallèles avec pas mal de points communs. Donc c'est une ère culturelle avec des populations différentes, qui parlaient d'ailleurs des dizaines de langues différentes, mais qui s'entendaient suffisamment et partageaient beaucoup d'éléments. Charlotte Arnaud, ça couvre exactement quel pays ? Alors, la Mésoamérique, c'est le milieu de l'Amérique, c'est l'Amérique centrale, depuis le Honduras jusqu'à la frontière américaine du côté ouest, à la condition d'être assez large et de placer le sud-ouest américain comme appartenant à la tradition mésoaméricaine, ce qui est valable pour certains traits culturels et pour une certaine période, pas tout le temps. Mais enfin, l'ère culturelle mésoaméricaine couvre donc largement le Mexique, le Guatemala, le Belize et donc une petite partie du sud-ouest américain du côté désertique à l'est de la Californie, et seulement pour une période, parce que la limite nord de la Mésoamérique a beaucoup fluctué. C'est une notion qui a été créée par un anthropologue allemand ? Oui, comme le disait Dominique, c'est Kirchhoff, qui était un anthropologue allemand installé au Mexique, qui a établi la liste de, je ne sais plus combien, une douzaine de traits culturels. C'est une façon de définir les aires culturelles qui est plus ou moins défendable, mais enfin, au moins, c'est assez clair. Par exemple, la Mésoamérique, tout le monde pratique un jeu de balle. Vous me direz, ce n'est pas le seul endroit où on pratique le jeu de balle, ni maintenant, ni autrefois. Les temples sur des plateformes pyramidales, c'est aussi un trait culturel de toute la Mésoamérique. Puis il y en a comme ça une bonne douzaine. Oui, on peut rajouter que Kirchhoff, quand il fait cet effort pour essayer de caractériser et de dénommer finalement cette part, s'intéresse à ce qui se passe au moment où les Espagnols arrivent. Et ce qu'il définit, c'est une ère culturelle au XVIe siècle, au moment du contact avec les conquistadores. Mm-hmm. Et très rapidement, les archéologues se sont emparés de la notion et se sont dit, mais ça n'est pas né d'un seul jour, ça n'est pas une situation qui n'a pas d'antécédent historique. Donc, remontant dans le temps pour voir à partir de quel moment on peut commencer à parler d'une unité culturelle. Et tout en faisant cet exercice, c'est là justement qu'on s'est rendu compte que dans le temps, les limites de cette ère culturelle avaient fluctué, effectivement. pas tellement vers le sud, beaucoup vers le nord. Mais Dominique Michel, ça remonterait quand même très très tôt, 1500 avant notre ère. Oui. Mais je veux dire, c'est pas exorbitant. Même si on prenait des traits très très très très généraux comme la domestication d'un certain nombre de cultigènes, on pourrait remonter beaucoup plus tôt. En général, aujourd'hui, nos collègues et nous-mêmes, nous en tenons à l'apparition d'un certain nombre de traits plus spécifiques, par exemple dans le domaine idéologique, dans le domaine des rituels, dans le domaine du comptage du temps, par exemple, qui sont des domaines évidemment pour lesquels on commence à avoir des données simplement à partir d'une certaine période, bien entendu. Et là, c'est là qu'on peut dire qu'effectivement, en niveau de complexité, on commence à voir des choses communes vers 1500 avant Jésus-Christ. Oui, avec ce qu'on appelle toujours les Olmèques. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des interactions culturelles très intenses dès l'époque Olmèque, à partir de 1500 avant Jésus-Christ, certainement. Enfin bon, les plus fortes interactions qui sont productives de contextes archéologiques repérables, c'est un petit peu plus tardif, et l'apogée de cette période, c'est plutôt entre 700 et 400, disons. 400, il y a plutôt une espèce de début de rupture. Là, avant Jésus-Christ, toujours. Hein. Avant Jésus-Christ, toujours. Et là, on est dans une grande période olmèque assez fabuleuse, qu'on comprend pas bien, mais qui crée déjà quelque chose qui est mésoaméricain, il n'y a pas de doute. Oui. Grégory Pereira, de votre équipe Amérique du CNRS, était venu nous parler des exceptionnelles découvertes aztèques de Mexico, des fouilles bien sûr sur le Templo Mayor. L'archéologie semble très dynamique dans cette partie du monde. Oui. Ça bouge beaucoup. Avec les Américains en première ligne, ce qui est normal, c'est leur Égypte, c'est l'équivalent pour eux de notre Égypte. Mais les Français sont très présents et de plus en plus, nous avons de plus en plus de projets au Guatemala et au Mexique. Un peu moins ces temps-ci au Mexique, mais malgré tout dans le nord-ouest du Mexique, les équipes françaises sont présentes depuis 30 ans et plus même. Et au Guatemala, depuis 1960, à peu près, sans discontinuer, en particulier sur les Mayas. Et ce sont, en général, des très gros projets. Oui, ce sont des gros... Mais je voudrais rajouter à ce que disait Charlotte, là, il y a un instant, c'est qu'on est dans un pays qui n'est pas du tout un désert intellectuel. Hein. Le Mexique est un très grand pays avec une très grande tradition, une longue tradition de recherche. L'École nationale d'anthropologie de Mexico forme des cohortes de chercheurs et d'archéologues en particulier depuis des dizaines d'années maintenant. Et l'institut qui gère tous les patrimoines archéologiques remonte aux années 30. On est donc dans un pays qui a une très longue tradition de recherche. Donc, il y a des étrangers, certes. Avec des vraies publications, avec des vraies publications, oui, et pas mal de moyens. Pendant longtemps, même l'Institut national d'anthropologie et d'histoire, qui était tout à fait en charge de toutes ces choses-là, était indépendant, dépendait directement du ministre de l'Éducation, d'ailleurs, c'est l'Éducation nationale. Et ce n'est que récemment que ça a été reversé au ministère de la Culture, avec une petite perte d'autonomie pour nos collègues. Mais c'est quand même un pays qui a une très très longue tradition avec beaucoup de projets chez eux depuis des lustres. Et puis des enjeux touristiques monstrueux. Oui, mais je crois qu'on peut placer au premier plan les enjeux patrimoniaux de construction de la nation qui sont très forts au Mexique dès les années de la Révolution, dès les années 20 et les années 30. Donc quelque chose d'identitaire. Oh, c'est très fort. Et le Guatemala emboîte le pas, mais tellement plus tard, c'est incomparable. Mais il faut peut-être rendre hommage à tout petit peu aussi aux anthropologues espagnols qui arrivent pendant la guerre civile. Et là, il s'est passé quelque chose d'intellectuellement très intéressant à la fin des années 30 au Mexique. Enfin bon, ça c'est l'aspect moderne, actuel. Qu'en est-il de l'archéologie maya? Récemment, l'exploration par le LIDAR révélerait donc dans la forêt vierge trésors et cités par essence perdus. Oui. Le LIDAR est une révolution. C'est une révolution. Pas les trésors. C'est une révolution technique, bien entendu. Comme dans les années 60, les premières photos aériennes ont pu aussi nous faire progresser chez nous, en Europe, par exemple. En deux mots, c'est quoi? C'est un bombardement par des rayons laser de la surface du sol, avec un retour vers un capteur, et on enregistre toutes les différences de hauteur. Donc on voit, et ensuite on filtre tout ça, parce qu'il y a une série de filtres informatiques qui permet d'éliminer tous les obstacles, en particulier dans la forêt, tout ce qui est le couvert végétal. Et on arrive à reconstituer, donc on a des cartes en 2 ou en 3D de la totalité de la surface avec des précisions ça, c'est une affaire de moyens, mais si on en a les moyens pour le faire, jusqu'à 20 cm de dénivelé. Des différences de 20 cm dans la forêt tropicale des basses terres centrales mayas, c'est des choses qu'on voit même pas sur place quand on est dessus, quand on chemine. En revanche, sur le cliché qui sort du lidar, on va tout voir. Alors, le lidar, on en a fait d'ailleurs dans beaucoup d'autres régions, du lidar maintenant, et en Europe, ça fait un moment aussi qu'on en fait. Et on voit toutes ces différences donc d'élévation, d'altitude, qui sont autant de marques de transformation des paysages, bien souvent. Et donc, ça a été appliqué en 2016 à très grande échelle. Ça avait déjà été appliqué avant, mais dans tout ce qui est le centre et nord du Petén, guatémaltèque. Et on a eu là, effectivement, sur une zone qui fait à peu près 2000 km², la révélation d'une extraordinaire densité de population. Le problème, et c'est là que réellement il faut vraiment faire attention et que ça va demander des générations entières de travail, c'est que l'image qu'on a, c'est une image statique qui place sur le même fond la totalité de ce qui a été transformé. Et donc on a facilement 2000 à 2500 ans de présence humaine matérialisé sur l'image. Et quand on voit dans la presse en particulier que on a des densités absolument extraordinaires et jamais envisagées de population, à partir du moment où on met 2500 ans sur la même image, il est vrai qu'il y a du monde partout. Mais ces images, elles ont une chronologie et il faut maintenant aller dater chacun des éléments qu'on trouve pour savoir comment ça se déroule. En réalité, il y a beaucoup de communications assez mauvaises et pas très précises sur le sujet ces derniers temps. Oui, c'est-à-dire que nous avons tous fait récemment des recherches assez précises sur les taux d'occupation de ce qui, effectivement, est cartographié par l'IDAR ou l'était d'autre façon antérieurement. Et les taux d'occupation sont pas toujours très supérieurs à 60% de ce qui est repérable en surface. Parce qu'il faut pas oublier que dans l'ère Maya, ces zones, ces régions cartographiées par l'IDAR sont des zones de forêt abandonnées lors du fameux collapse maya au Xe siècle, XIe, et n'ont jamais été réoccupées depuis. Donc c'est idéal. Nous n'avons pas le cas européen où on a une occupation humaine jusqu'à présent et l'occupation du XIXe, XXe est terriblement couvrante. Alors que au Guatemala, dans la forêt, on n'a rien de postérieur au classique, c'est-à-dire jusqu'au Xe siècle, XIe. Et malgré tout, nous savons, lorsque nous avons, par exemple, dans notre site de la Joyanca, fait des programmes de sondage systématiques sur des échantillons de 30%, 40%, 50% des petits monticules résidentiels, dont on sait que ce sont les vestiges de maisons, on trouve effectivement des taux d'occupation, comme je disais, qui ne sont pas toujours très supérieurs à 60%. Et puis même quand ces maisons sont occupées, elles ne le sont que partiellement, et on est aussi obligé d'envisager, pour des raisons de subsistance, des habitats doubles. Ces gens avaient des résidences secondaires et ils passaient une bonne partie de leur temps dans ces résidences secondaires pour des raisons de subsistance et de culture. Donc, il n'est pas très sérieux de projeter des densités de population ahurissantes sur le fait simplement qu'on cartographie des milliers de maisons. Mais est-ce que pour autant on a découvert des cités perdues ? Non. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Enfin, des cités perdues, oui, d'une certaine façon. Enfin, je veux dire, chez nous, nous avons fait partie donc de cette prospection par l'IDAR. Les compagnies qui nous appuient financièrement donc sont elles qui ont payé ces couvertures. Et on a eu 140 km². Sur les 140 km², aujourd'hui, en révisant la totalité des images, on dit il y a 12 000 structures. Ce qui est absolument considérable. Mais là-dedans, encore une fois, on mélange tout. On a des villages du préclassique où on a des dizaines, voire des centaines de maisons qu'on ne peut pas confondre avec des choses qui ont existé 10 siècles plus tard. En tout cas, Dominique Michelet vient de sortir chez un grand éditeur La cité perdue du dieu singe, une histoire vraie. Mais c'est pas Dominique, ça. Non, c'est pas moi. Heureusement. Non, mais c'est. C'est bien la preuve qu'on trouve des cités perdues. Ah non, mais là, dans ce secteur-là, probablement, effectivement, on parle de l'extrême est du Honduras, sur la côte atlantique, et dans des coins où les archéologues n'avaient jamais beaucoup mis les pieds. Et là encore, c'est aussi une découverte lidar au départ, de bons collègues nord-américains. Et là aussi, on s'emballe considérablement. Il faut garder raison. Non, c'est-à-dire que le lidar est aéroporté, donc on fait des choses fabuleuses en avion et même en hélicoptère maintenant surtout. Bon, mais de toute façon, il faut tout vérifier sur le terrain. Hein. C'est la cité perdue à portée de main. Ouais. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Dominique Michelet, le site que vous avez longtemps étudié, longtemps fouillé, est Nahashtun, au Guatemala, un site où vous auriez trouvé justement plus de 1000 monuments. Nahashtun, on a commencé en 2010, c'est mon collègue Philippe Nondedeo qui dirige le projet, moi je suis en appui simplement. Bon, il était connu, repéré avant nous. Découvert en 1922. Oui, c'est ça. Et baptisé Nahashtun parce que c'est un endroit absolument épouvantable pour y accéder. Hein. Il nous faut, si tout se passe bien, 8 heures de piste depuis le dernier village. Et donc on travaille évidemment sur place, en campement. Bon, on a travaillé la partie centrale, effectivement, qui avait été identifié par nos prédécesseurs. Et là, effectivement, on travaille sur 2 km carrés à peu près. Mais le lidar qu'on a obtenu en 2016 nous montre qu'effectivement, tout autour, c'est bourré de monde, qu'il y a un tissu continu, mais un tissu, encore une fois, qui n'est pas contemporain, forcément. Le lidar va nous amener malgré tout à repenser la question des définitions de ce qu'est un site, bien sûr. Mais dans cette partie-là du monde maya, il est incontestable que, en gros, entre 1000 avant Jésus-Christ et ce que disait Charlotte, en gros, l'abandon vers le Xe siècle, on a du monde qui s'est installé absolument partout et qui a transformé les paysages, parce qu'on n'a pas simplement de l'habitat, bien entendu. On a énormément d'éléments hydrologiques. Les Mayas ont transformé tout. On a des terrasses, en veux-tu, en voilà, des terrasses agricoles. On a véritablement un paysage modelé. Et un paysage modelé qui, ça on le sait depuis quelque temps maintenant, ne perd pas son identité forestière complètement, puisqu'il y a eu une thèse qui a été soutenue au mois de décembre à l'université, ici à Paris, avec l'anthracologie, c'est-à-dire l'étude des charbons de bois archéologiques. On a pu montrer que jusqu'au moment où les gens quittent la région, ils n'ont jamais mis en péril les... Parce que beaucoup de collègues avaient dit, bon, ils ont surexploité, la forêt a disparu, et voilà, ils se sont plantés eux-mêmes, ils ont provoqué une catastrophe écologique. Pas du tout. Dans les derniers temps encore, non seulement on a encore de la forêt primaire qui est là avec toutes les essences qu'on avait déjà au début, mais en plus on fait de la sylviculture et en particulier on fait des arbres fruitiers, on fait beaucoup de choses. Donc c'est des gens qui ont une maîtrise de leur milieu bien supérieure à ce qu'on imaginait. Charlotte Arnaud, sur quoi se base le pouvoir des élites dans les grandes cités mésoaméricaines ? Oh, principalement sur les relations géopolitiques, c'est-à-dire les relations entre les différentes cités-États, puisque chaque cité et son petit territoire qui consiste essentiellement en une société, non pas le territoire au sens où nous l'entendons, mais plutôt les gens eux-mêmes qui ont des relations entre eux. Bon, cette société a aussi, par son élite, par l'intermédiaire de ses élites, des relations avec les sociétés voisines et même des sociétés plus lointaines qui finissent par former un ensemble pour lequel nous n'avons pas de terme, faut bien dire ce qui est, une espèce de petit système monde, un écoumène en quelque sorte, un ensemble de cités-états qui ont la même culture, pas nécessairement la même langue, mais en l'occurrence chez les Mayas, plus ou moins des langues mayas malgré tout, et qui entretiennent des relations qui passent beaucoup par le politico-religieux, les grandes cérémonies, les commémorations calendaires à date fixe, avec des échanges d'objets précieux, d'objets élitaires, de parures, des dons, des contre-dons, et des choses qui se connaissent en ethnologie, à partir desquels nous essayons de construire des modèles qui nous permettent de comprendre la distribution de ces fameux objets élitaires dont un certain nombre sont conservés parce qu'ils sont en jade ou ils sont en en différentes sortes de pierres ou de coquillages, mais nous n'avons plus les textiles, nous n'avons plus les plumes, et donc nous devons réimaginer tout un ensemble de circulation d'objets qu'on devrait pouvoir évaluer de façon quantitative, mais qu'à l'heure actuelle, on évalue plutôt de façon qualitative, avec en particulier des échanges de très très belles pièces céramiques, avec des figurations et des textes. Orange. Pas nécessairement orange, mais c'est vrai, orange noir sur crème ou sur fond noir, mais des choses magnifiques, d'une iconographie extraordinaire, avec des textes qui nous renseignent sur les circonstances dans lesquelles ces objets ont été échangés, puisque en fait on peut pas comprendre ni les structures politiques ni la façon dont les interactions se donnèrent. On peut difficilement les comprendre sans avoir un minimum d'expression de ces sociétés elles-mêmes, ce que nous disons émique par opposition à la perspective éthique du chercheur, où nous, on est extérieur à ces sociétés-là, on a du mal à les comprendre. Donc on a besoin de ces textes, on a besoin d'avoir leurs mots en maya qu'on est capable de lire. Ou leurs images. Ou leurs images, et leurs images, puisqu'on déchiffre les images plus facilement peut-être et encore que l'écriture, mais maintenant on peut dire que 80-90% des glyphes mayas sont déchiffrés. Quelle est pour vous la première cité état hégémonique en Mésoamérique? Oui. À Teotihuacan. Sans aucun doute, c'est la première Mexico, dans le bassin de Mexico. C'est une ville qui est fondée vers 200 avant Jésus-Christ, à la suite de regroupements de populations, et qui construit très tôt, au début de notre ère, fin du millénaire précédent, début de notre ère, deux énormes pyramides qui sont très bien visibles au nord de Mexico à l'heure actuelle, la pyramide du Soleil et la pyramide de la Lune. Et Teotihuacan devient d'abord une ville de 20 km², entièrement quadrillée, entièrement azimutée, orientée sur un azimut de 16 degrés bien précis. C'est vous dire qu'il y a quand même une centralisation du planning, de la planification urbaine dans cette ville, qui est un phénomène absolument unique en Mésoamérique. Et cette ville exerce une hégémonie politique, culturelle, religieuse, pas militaire, mais religieuse, avec un fort militarisme dans sa composante religieuse, sur toute la Mésoamérique, disons plus exactement vers l'est, moins vers le nord, pendant environ 300 ans. C'est peut-être aussi parce que on l'a dit, l'origine du soleil et du temps, c'est ça? Oui, c'est ça. Teotihuacan a un très grand prestige dans le reste de la Mésoamérique parce que les autres cités-états, à l'origine, Teotihuacan est une cité-état comme les autres, mais elle se donne en effet ce rôle premier mythologique de la création du soleil et du temps dans ce lieu central de Teotihuacan. Et dans le même temps, intérieurement, on ne sait pas comment ça fonctionnait. On a toutes sortes d'éléments, Charlotte vient de rappeler. On a l'impression qu'on est dans un système extrêmement contrôlé, coercitif. Mais après plus d'un siècle d'archéologie, parce qu'on a commencé à faire de l'archéologie au début du XXe siècle, à Teotihuacan, et on en a fait de la très bonne dans certains cas, eh bien, on est toujours infoutu de dire qui dirigeait et comment ça se passait. Hein, une cité de 80 000 habitants faisant 20 km², on devrait pouvoir, après 100 temps de travaux, pouvoir dire comment ça fonctionnait, qui dirigeait quoi. On a toujours un certain nombre de collègues qui sont persuadés que c'était un système de type royauté, et ils ont cherché partout les tombes royales qu'on n'a jamais trouvées. Alors ce qui est intéressant, c'est que une des raisons pour lesquelles on ne trouve pas, c'est parce que les Mésoaméricains eux-mêmes ont pratiqué une archéologie assez dramatique pour nous. Parce qu'ils sont passés avant nous, ils ont fouillé beaucoup et ils ont extrait, étant donné le prestige que cette ville avait, même comme héritage politique. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en réalité, toutes les formations politiques ultérieures vont à Teotihuacan chercher des symboles, des objets. Et on trouve, par exemple, dans les contextes aztèques très tardifs, on trouve des objets de Teotihuacan qui ont été fouillés. Si bien que les grands contextes royaux que mentionne Dominique, on les a plus. Et actuellement, il y a une archéologie passionnante, mais difficile à comprendre et pas très spectaculaire, qui consiste effectivement à repérer les différents régimes politiques de Teotihuacan à travers ces monuments qui, malheureusement, sont difficiles à comprendre parce qu'ils ont été pillés postérieurement avant l'arrivée des Espagnols. Il y a bien sûr les cités-états, mais qu'est-ce que la notion de Tlan ? C'est une sorte d'équivalent de Rome, quoi. Oui, effectivement, Teotihuacan se trouve dans une position qui a été répertoriée, pensée, conçue en même temps et surtout plus tard comme étant celle de la ville première, la ville où les hommes sont, les humains sont aussi nombreux que les roseaux dans un lac, Tolan venant du mot tous les qui désigne le roseau. Et cette ville a un rôle premier qui est du type religieux, idéologique. On aurait envie d'utiliser le concept de soft power, sauf que il y a quand même une composante militariste, sacrificielle, assez marquée, en tout cas dans l'iconographie, dans les textes. Si bien que nous qui ne comprenons pas très bien la question des sacrifices humains, nous y voyons toujours avant tout de la violence et de l'agressivité. Il n'est pas nécessaire ni absolument automatique de penser le sacrifice de cette façon, mais toujours est-il que on aura du mal à ne voir que du soft power dans cette espèce de d'hégémonie extraordinaire qu'avait Teotihuacan sur l'ensemble de la Mésoamérique, sans qu'on ait une traduction matérielle d'un pouvoir direct impérial qui n'existait pas dans le cas de Teotihuacan. Teotihuacan est-il un empire? Les mayanistes se posent la question encore. C'est une tendance générale dans la recherche. Hein, quand on commence à découvrir une unité culturelle quelque part et qu'on voit qu'il y a une tête qui domine tout le reste, on va utiliser le mot empire un peu imprudemment, sans trop se poser de questions. Et dans la littérature, c'est très clair. Dans les années 60, Ignacio Bernal fait des grandes fouilles à Teotihuacan et il se pose la question dans un des titres de ses ouvrages. A-t-il existé un empire de Teotihuacan ? Alfonso Caso, exactement dans le même temps, se posait la question pour quelque chose de bien antérieur, de 1000 ans avant au moins, sinon plus, a-t-il existé un empire olmèque ? Parce que tout ça, ça vient de l'idée que effectivement, à un moment donné, on a des phénomènes qui relient un certain nombre de régions différentes entre elles, les unes avec les autres, sous l'égide d'un pouvoir plus fort. Bon, ça, ce sont deux des critères, effectivement, qu'on utilise traditionnellement en sciences politiques pour l'Empire, mais ça ne suffit pas. Et donc, la première approximation des chercheurs, c'était de mettre empire dans beaucoup de cas, là où aujourd'hui, où on a un tout petit peu plus de données et un tout petit peu plus de recul par rapport à cet enthousiasme initial, on voit les choses de façon beaucoup plus nuancée. Politiquement, Teotihuacan n'est pas vraiment un empire. Non. Teotihuacan, effectivement, n'est concevable en tant que capitale d'un empire que pour le centre du Mexique, c'est-à-dire un territoire qui n'est pas très étendu. En fait, les marqueurs archéologiques de l'empire, c'est-à-dire du pouvoir exercé directement sur des cités-états subordonnées, ces marqueurs sont actuellement, en ce qui concerne la Mésoamérique, en construction. Hein. Bon, et il nous faut une planification urbaine dans les sites subordonnés, il nous faut des architectures imitées, mais clairement imitées, avec des monuments, des édifices qui soient fonctionnellement équivalents à ceux de la capitale principale. Il nous faut surtout une forte intensification des échanges dont on puisse déduire qu'il y a eu taxation. Si on n'a pas taxation, s'il n'y a pas de système fiscal, on n'arrivera jamais à poser un contrôle direct, impérial, et par conséquent, avant de démontrer qu'une intensification des échanges se traduit aussi par un certain appauvrissement des gens qui payent leurs impôts, évidemment, si on n'a pas ce type d'évidence, on n'y arrivera pas. Il faudra donc attendre les Aztèques et les Tarasques pour avoir des empires ? Non, je crois qu'on va pouvoir avancer. Il y a dû y avoir des amorces de pouvoir direct de la part de Teotihuacan, de la part de grands sites postérieurs à Teotihuacan, antérieurs aux empires. Mais les données quantifiées sont pas encore suffisamment là. Il n'y a pas de doute que les deux derniers empires, du moins les deux dernières grandes formations politiques de Mésoamérique, celle de Tzintzuntzan, c'est-à-dire l'Empire Purépecha, et Tenochtitlan, l'Empire aztèque, ont une dimension effectivement bien impériale, avec du contrôle direct, de la fiscalité, de la taxation, et une démonstration assez nette de l'impact sur la vie matérielle des gens dans les cités subordonnées. Charlotte Arnaud, Dominique Michelet, merci beaucoup. Carbone 14 a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Bernard Laniel, et avec la collaboration d'Anne-Catherine Lochat. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr, où retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, le magazine d'archéologie de France Culture change d'époque et de continent.